le plan de cette édition spéciale d'Assemblage requis. On vous présente la collection presque complète des plats favoris de Stéphanie Gagné. C'est le guide de l'utilisateur d'Assemblage requis, volume 2. Je m'appelle Mathieu Plante, je suis l'animateur et le producteur exécutif d'Assemblage requis, qui est votre émission estivale en pièces détachées. Cette semaine, on prend le temps de s'asseoir et de relaxer en écoutant les chroniques Ton plat favori de Stéphanie Gagné. Vous connaissez bien Stéphanie, elle est avec nous depuis le début de l'année. Elle nous présente à chaque semaine ses coups de cœur artistiques, culturels, musicaux, cinématographiques et dans une chronique qu'elle appelle Ton plat favori. Alors commençons avec sa première chronique tout de suite. Kiwan, on a quelque chose de nouveau. En fait, c'est pas une chose, c'est une personne. Oui. Tu sais, ben, c'est ça. Parce que des fois, tu sais, pain bêche, on sait pas trop ce que c'est. Hein? Je suis pas seulement de pain bêche, maintenant, je suis Stéphanie. Oui, Stéphanie. Vous avez dévoilé mon nom à tous sur Facebook maintenant. Oui, et voilà. Ah, c'est, est-ce que tu m'en veux? Est-ce que tu voulais pas Ça me dérange pas. C'était un secret, oui. Je sais pas. On m'avait pas dit que c'était un secret. C'était pas un secret, c'était juste caché pour l'instant. Okay. Ça l'est plus. Puis maintenant, voilà. Stéphanie Gagné. Oui, c'est voilà. Ça. Donc, on s'apprête à ouvrir officiellement la toute première chronique de Stéphanie Gagné ici à l'émission Assemblage requis. Je suis ton plat favori, je sens sur ton bistouri. Non, tu comprends pas. Hey, bonjour. Et voilà. Bonjour. Ton plat favori. Ton plat favori, c'est le nom de la chronique. Et pourquoi? Ouais. Pourquoi ça s'appelle comme ça? Parce que c'est une chanson excellente. OK, juste pour la chanson, finalement. Ouais, ben ça fitait aussi. On voulait quelque chose de coup de cœur et finalement, voilà, c'est un peu coup de cœur. C'est ton plat favori. Tu nous parles donc de choses artistiques, culturelles, ouais. CD, pièces de théâtre, je sais pas, un film, n'importe quoi, que tu as aimé pendant ouais. la semaine. Oui, comme là, ben là, ça fait deux semaines, je vous en avais parlé un peu la semaine passée. C'est le film 500 Days with Summer, of Summer. 500 jours ensemble, c'est ça? 500 jours avec Summer, parce oui. que Summer, c'est le nom de la fille et non la saison. Mais en français, eux autres, ils ont décidé que c'était 500 jours ensemble, puis c'est comme le jeu de mots tombe un petit peu à plat, donc ça me déçoit. Ah, c'est des choses qui arrivent. Alors, ouais. C'est un film avec Joseph Gordon-Levitt et Zooey Deschanel. Je sais pas si vous les connaissez, c'est deux très bons acteurs. C'est un petit film d'amour, un petit film de fille. Mais au début, ils disent non, ce n'est pas un film d'amour, c'est un film de fille qui rencontre garçon, mais c'est vraiment un film de fille, c'est très bon. C'est pas en ordre chronologique. C'est ça qui le rend original là, ouais. des autres comédies romantiques. Ouais, drame, ouais. drame comico, comico ouais, romantique. Comico, romantique, drame, voilà. Ben des émotions à vivre là-dedans, 500. Oui, dirais. Oui. Ouais. Alors, c'est ça, au début, ils nous disent, ils indiquent la journée et voilà. Et c'est on passe d'un bord à l'autre. Oui. C'est super bon. Et c'est ça, c'est pas en ordre chronologique. Et aussi, il y a des petits moments cocasses, comme une fois, ils ont passé leur première nuit ensemble et ils sortent dehors dans la rue. Et c'est comme une comédie romantique. Tout le monde se met à danser dans la rue. Il y a un petit oiseau en bande dessinée qui atterrit sur son épaule. C'est super cute. C'est vraiment beau. Et c'est surtout la trame sonore que je voulais vous parler. Il y a plein de bonnes choses. Il y a The Smith, Doves, Black Lips, Temper Trap. Plein de choses que je vais vous faire écouter tantôt au Pain des Champs Mission. Et Hall & Oates, You Make My Dream, c'est une chanson débile, qui joue pendant la petite partie comédie musicale. Et She and Him, qui est le groupe de Zooey Deschanel. Oui. Oui, c'est une chanteuse. Je pensais que ça allait être un peu pop, son album, et finalement, c'est très country. Elle chantait dans Monsieur Oui aussi, avec Jim Carrey, il me semble. Je sais pas, je l'ai pas vu. C'était très bon, ça. Alors, faudrait que je regarde ça, c'est une très bonne actrice. Ah. Alors, faudrait que j'écoute ça. Et il y a aussi Wolf Mother, une chanson vraiment très bonne, Vagabond, sur cet album-là. Donc, on mélange vraiment les époques, finalement, sur ouais, la trame assez. Sonore. Il y a aussi Simon and Garfunkel. Oh, OK. Ouais. Vieux classique. Ouais. Et voilà, The Smith. J'ai vraiment capoté sur The Smith. Je suis là-dessus depuis le début de la semaine. J'écoute juste ça toute la semaine. C'est très bon. Donc, est-ce que tu conseilles de commencer par le film pour pouvoir se replacer les pièces une fois que tu vas ouais. entendre la trame sonore? Oui, parce que oui, la trame sonore est très bonne, mais c'est surtout après avoir écouté le film. On écoute le film, puis on se rappelle tous les beaux moments. Je conseille le film, et après ça, acheter la trame sonore. La trame sonore est très bonne. Voilà. Alors voilà. C'est alors, ton plat favori cette semaine. Oui, c'est mon plat favori cette semaine. On va c'est, le souvent les, c'est souvent les bonnes trames sonores là, qui sont, tu sais, qui se démarquent particulièrement. Souvent accompagnent des films poches. Tu sais, ça arrive souvent. Ouais. Mais là, cette fois-ci, une bonne trame sonore. Tu parles de Twilight, etc. Entre autres. Oui, ouais, Twilight, la trame sonore est vraiment écœurante. Génial. Et pourtant, ouais. Moi, je suis une fille, OK, j'ai été le voir, là. Mais vous, je comprends que vous ne l'aimez pas, là. Moi, je suis une fillette. Une fillette, donc. Oui. Alors, c'est ça. Alors, on va écouter une chanson de la trame sonore, celle de Wolf Mother, Vagabond, très bonne pièce. On écoute ça tout de suite à Assemblage Requis. Wolf Mother. Ouais, j'avais oublié de mentionner que la fin de la pièce est très longue. Et que Kiwan porte un chandail avec des loups. Ah, ouais, quel lien. Une thématique, ouais. Encore une fois. Encore un lien. C'est en hurler de rire. Ah, t'es gêné d'avoir participé à cette émission-là, toi, maintenant? Tu te dis non, comme j'aurais peut-être pas dû. J'étais déjà habitué au jeu de mots François puis Russien. Ouais, ne me compare pas à cette petite bière. Non, si au moins c'était aussi drôle que du François Pérusse. Non, j'aime même pas François Pérusse. Merci beaucoup. Non, mais c'est comme, t'es moins pire. OK, ouais. J'ai pas à t'endurer 2 minutes par jour de joke au complet. C'est pas un compliment, mais c'est pas un compliment. Ni un ni l'autre. C'est un papa. Voilà. Donc, ça vient de la trame sonore de 500 Days of Summer, 500 entre parenthèses, Days of Summer. Ouais, j'ai une autre chanson. Si vous voulez que, si on a le temps un peu, on peut faire jouer Hall & Oates, la chanson super de bonne humeur, comédie musicale. est super drôle. Elle est vraiment de bonne humeur. Là. Elle est géniale. Et nous, on aime ça être de bonne humeur. You make my dreams. Je la mets dans mon auto là, puis tu te mets à danser. C'est clair. Donc, OK, peut-être pas vous autres. Là. OK, essayez. On va voir. Faites le voir. Test. On va voir si ça va danser ici dedans. Je referme mes yeux. On écoute tout de suite? Ben, pourquoi pas? Swing le okay. On écoute ça tout de suite. Ça s'appelle comment? You Make My Dreams, de Hall & Oates. C'est dans le bloc Ton plat favori de Stéphanie Gagné à Assemblage Rock. C'est comme, je suis pas ton boss, tu sais. Non. Non. Ici, non. On est tous égaux à Assemblage Requis. Tu es un morceau dans le casse-tête qui est Assemblage Requis. De quoi, presque? Presque. Mais vous êtes si ancien, si vieux. Ancêtre. Merci. Pas tant. Non. Moi, je suis très jeune. OK. On ne commencera pas à dire nos âges à la radio, hein? Non, pas une bonne idée. Pas une bonne idée. Déjà que j'ai dit ton nom, c'était beaucoup, voilà. Ça. c'est beaucoup, hein? Alors, je me cache dans la rue. Est-ce que tu veux que j'arrête de dire ton nom? Non, à partir de maintenant, okay. Il est trop tard, là. Il est sur Facebook. Ben oui, mais Facebook, c'est quoi ça sinon que mot qui s'envole? C'est la vie maintenant, Facebook. Et Facebook, c'est la vie. Oui, quasiment. Et la vie, c'est Facebook, c'est ça. Quasiment. Alors voilà. En fait, pas quasiment. C'est ma vie. Il n'y a pas tout le monde qui a une vie aussi plate que toi, Mathieu. Merci, merci. De rien. C'était dans les dents, ça. C'était... Bon, merci. Donc voilà, c'était la dernière chronique de Ton plat favori par Stéphanie Gagné, merci. Ouais, tu vas t'ennuyer de moi cette semaine. Vraiment. Tu vas avoir hâte à jeudi prochain. Non, je viens de dire que c'est la dernière chronique. Ah. Oh. Tu as fait toute l'illusion là, que c'est la dernière chronique. Mais non, moi je suis pas d'accord. C'est la première. Moi je me mets du côté à Kiwan. Il est pas d'accord, il pas veut que je revienne. Bon, c'est une bonne chose que tu n'aies de mon côté, sinon... Je vous rappelle que vous pouvez entendre les chroniques Ton plat favori en balado-diffusion en tout temps sur www.cfou.ca et aller voir les notes de l'émission au assemblagerequis.com. Une autre chronique, tout de suite. De toujours à l'émission Assemblage Requis en compagnie de Kiwan et Mathieu et de Stéphanie aussi qui s'est jointe à nous. Elle s'est jointure à nous. Pendant que je vous dérange pas là, pendant que vous regardez des photos d'hommes qui ressemblent à de vieilles lesbiennes. Ouais, c'est ça. On voulait pas trop le dire trop fort, mais c'est pas correct. C'est pas correct, mais en même temps, c'est rien de personnel. Mais c'est pas nous autres non plus qui a inventé ce site-là. Là. Non. C'est un site qui existe. Nous qui le regardons. Voilà. C'est tout. Donc, Stéphanie Gagné, on va devoir jouer ton intro, mais c'est vraiment juste parce que c'est toi. Moi, on n'a pas eu d'injonction encore, donc on continue à la jouer. Je pensais pas devenir une vedette comme ça, hein, parce que cette intro-là va te mener on top of the world. Là. C'est clair, c'est parce sûr. Ça fait combien de temps que tu utilises cette intro-là? Ben, depuis le début de la chronique. Là. C'est ça. Ça doit faire 15 semaines. 15 semaines. J'avoue que la ressemblance avec la pièce de Malajube est vraiment frappante. Oh, j'avoue. Tout le monde en parle. C'est sûr. Mais justement, je parle de ça aujourd'hui. Grosse surprise, je parle de la chanson de Katie Costello, l'auteur, compositeur, interprète new-yorkaise. On va dire... auteur, avec des guillemets, ouais, avec compositeur, des gros, avec des gros guillemets, mais surtout interprète. Ouais, c'est ça. Mais supposément qu'elle a écrit tout le reste sur son album, sauf la partie qui est supposément plagiée de Malajube. Qui est comme la partie de la chanson qui est répétée tout le long de la ouais. pièce. C'est mais... ça. Mais c'est spécial, hein? C'est comme, tout d'un coup, je suis plus auteur, compositeur, interprète. J'ai tout fait, sauf la partie qu'on m'accuse d'avoir plagiée. Ben oui, hein. Puis là, elle va être accusée de plagiat dans une autre chanson. Puis j'avais oublié de mentionner que celle-là aussi, je l'avais pas écrit. En tout cas, c'est n'importe quoi. Ouais. Bon, je me suis sorti quelques détails de justement cette grosse aventure-là de plagiat avec la chanson de Ton plat favori. Donc, si vous avez été voir le vidéo aussi, le vidéo est quand même semblable. Là. Ça utilise la technique stop motion dans les deux. Semblable. Ça a été découvert sur le site de Paris Hilton. C'était son coup de cœur et... par la suite, Paris Hilton s'est excusé et s'est dit « Ah, c'est une sale voleuse, ouais. nanana. » Faut dire aux gens, Paris Hilton, c'est le journaliste blogueur et non pas Paris Hilton. Lui-même plagie le nom de Paris Hilton pour s'appeler ouais. Paris Hilton. Mm. Oui. C'est ça comme ça. Très, très connu aux États-Unis. Et il y a des Québécois qui ont été sur son site et qui ont vu le vidéo de Katie Costello qui ont fait « Aïe, aïe, c'est une chanson de Malajube, c'est pareil. » Alors, il y a un blogueur qui a mis ça sur son blog ici, donc... moi, ça a tombé sur un blog que moi, je suis. Alors, évidemment, je l'ai écouté, vu que c'est la pièce de ma chronique. Alors, Costello a enlevé la vidéo de Twitter et de Vimeo. Et là, on a vu tantôt qu'il n'était plus sur YouTube non plus. Est-ce que c'est la meilleure façon pour une étiquette de disque ou pour même Katie Costello elle-même d'aller retirer la vidéo quand on en parle en mal? C'est comme un petit peu incriminant, mettons? Oui, ça nous fait dire un peu peut-être que c'est sa faute, hein? C'est ça. Peut-être que c'est pas juste un addon, là. Ouais, c'est ça. Je pense que la seule place présentement où on peut encore voir la vidéo, c'est sur Perez TV. C'est assez incroyable. Mais le pire, c'est que j'avais entendu dire qu'il l'avait enlevé. Mais c'est que Perez l'a hébergé sur son propre serveur, sûrement. Ouais, donc c'est ça. Personne ne peut l'enlever à part lui. Mmh. Ah. Bon. Alors, c'est ça. Puis l'agence qui représente Malajube, qui est Bon Sound, ils ont contacté les représentants de la chanteuse. C'est un dossier à voir. Ils sont en train de jaser de ça. Mais on s'entend que c'est les 7 notes principales de la mélodie. Après ça, ouais. ça dévie un petit peu la mélodie, mais les paroles sont chantées sur exactement les mêmes notes. Ouais, mais je trouve que ça se ressemble quand même un peu. Puis surtout quand on regarde le vidéoclip, là, ça devient un peu flagrant. Ouais. Mais en tout cas, on va écouter la pièce, jugée par vous-même si vous trouvez que c'est semblable. Le vidéoclip de Malajube est tellement meilleur, tellement bon comparé au sien, mais bref. La technique est quand même semblable. Alors, on va écouter ça. Kaleidoscope Machine de Katie Costello. Began to flow, or I stubbed my pinky toe. I would. C'est comme pareil à, mettons, 20 %. Peut-être. 20 %. À peu près, non? Je sais pas, j'ai pas calculé ça quand même. Mais c'est le chef en l'air. Ouais, c'est parce que ça reste à voir. C'est sûr que tous les arrangements pouvaient pas être pareils. Là. Elle a pas repris la pièce intégrale, mais c'est clair que la mélodie de base est... Si elle était pour faire ça, ça aurait été stupide, parce qu'on s'entend que Malajub, là, c'est pas un petit groupe que personne connaît. Mais là. Peut-être qu'elle pense que c'est un petit groupe que personne connaît. T'sais. Mais tu sais, informe-toi un peu, là, bordel. Bordel, hein? Non, mais Malajub, c'est comme assez connu. Là. Ouais. Je veux dire, tu touches pas à ça. Là. En tout cas, ici, tu touches pas à ça. J'ai volé un beat de quelqu'un d'autre. On va tellement se faire poursuivre avec cette émission. Épouvantable. Ouais. Mais bon, ça, c'était pas mon coup de cœur de la semaine. C'était vraiment plus une surprise. Là. En passant, j'ai mis le lien vers la vidéo sur le site de Paris Hilton sur assemblagerequis.com. Cliquez sur l'émission d'aujourd'hui qui est jeudi, le 15 avril. Ouais. Et puis, cliquez sur ton plat favori plus loin là-dedans. Et puis, j'ai mis aussi un lien vers le site Men Who Look Like Old Lesbians pour ceux qui s'intéressent. T'es pas sérieux? C'est fait. Ah! Oh. Bon. Hey, mais faudrait que tu mettes aussi le lien pour le vrai clip de Malajub. Justin Bieber aussi, non? Oui, oui. Les lesbiennes qui ressemblent à Justin Bieber. Maintenant, tout le monde sait qu'est-ce qu'on fait pendant les chansons. On parle de lesbiennes et de Justin Bieber. OK, puis tu veux je mette quoi aussi le lien vers le clip de ton préféré? Le vrai clip de Malajub, oui. Je fais ça à l'instant. Bon. Et pendant ce temps-là, moi, je vais vous parler de mon vrai coup de cœur de la semaine. J'ai écouté ça toute la semaine. C'est vraiment toute une surprise. J'ai même été me commander l'album. C'est Matt and Kim. Je suis un peu en retard. L'album est sorti il y a plus d'un an. Mais je suis tombée sur la chanson Daylight, ce qui est vraiment excellente. Matt and Kim, c'est un duo dance, un peu punk par bout, qui vient de New York, qui a été formé en 2004. C'est la musique quand même assez simple, mais vraiment rythmée. Ils ont eu un démo en 2005 qui s'appelait To From. Ils ont eu un album en 2006 qui s'appelait Matt and Kim. Et Daylight vient de l'album Grand qui est sorti l'an passé. Alors voilà, c'est quand même assez simple, mais c'est vraiment, vraiment accrocheur. Ils ont participé au festival de Pitchfork l'été dernier à Chicago. Et aussi, ils ont plusieurs chansons qui ont joué dans des jeux, par exemple dans FIFA 10, NBA Live 10, la trame sonore de Need for Speed et dans The Sims 3. Et aussi, finalement, ils se sont surtout fait connaître pour leur vidéoclip Lessons Learned. Je sais pas si vous en avez entendu parler, mais ça l'a inspiré une chanteuse soul qui s'appelle Erykah Badu. Badu? Ouais, ben dans le fond, elle, direct quand son clip commence, elle écrit « Inspired by Matt and Kim », mais c'est vraiment comme copié du clip Lessons Learned, dans le fond. Au moins, elle dit, ça. Ouais, c'est ça, c'est exactement. Correct, c'est pas du plagiat. Mais c'est ça, dans le clip de Lessons Learned, le duo Matt and Kim se promène à New York, à Times Square, et se dénude. Mais il y a une grosse surprise à la fin, je vous le dirai pas, mais allez voir le clip, c'est vraiment drôle à la fin, tu fais vraiment le saut. Mais dans le clip d'Erykah Badu, elle était à Dallas et elle s'est promenée dans la rue où JFK s'est fait tirer. Elle s'est promenée là, puis c'est ça, là, elle se déshabille. Là. C'est ça. OK, pour dire... Je me rappelle plus c'était pour quoi le message. Ouais. Il y avait un message quelconque quelque part. Qu'elle aime se déshabiller. Non, mais c'est vraiment pas le genre d'artiste à faire ça, vraiment pas. Mais... On la verra pas avec des photos sexy dans le Summum Québec, là, non? Non, je penserais pas. Mais... Faut que j'aille mettre le lien vers le vidéoclip d'Erykah Badu. Ça. C'est quoi le nom de la pièce? La pièce de Erykah Badu? Ouais. Aucune idée. Ah. Je m'en rappelle plus. Mais il y a le clip de Matt and Kim, Lessons Learned, qui est encore plus drôle. Parce que bon, les deux se déshabillent, puis à la fin, il y a une grosse surprise. Ça finit avec un bang. Ce sera dans les liens dans deux secondes. Alors, on va écouter la pièce Daylight, qui est ma vraiment, vraiment, vraiment pièce chouchou de cette semaine. Vous allez voir, elle est excellente. Bon, écoute ça tout de suite à Assemblage Rocky dans la chronique Ton plat favori de Stéphanie Gagné. C'est la même mélodie que Malajub. We cut the legs off of our pants, threw our shoes into the ocean, sit back and wait through the daylight. Maybe I'll paint them myself. vient d'entendre la pièce Daylight de Matt and Kim à ton plat favori, à Assemblage Rocky, mm-hmm. avec Stéphanie, Mathieu et Kiwan. Et c'est vrai que c'est incroyablement bon, cette pièce-là. Hey, j'aime ça quand quelqu'un dit ça. C'est le fun. Je le répète, je seconde, j'appuie, je soutiens. Mm. Ah, c'est vraiment bon. C'est vraiment mon coup de cœur, coup de cœur, coup de cœur. Probablement mon coup de cœur. Ton coup de cœur. Hein? Coup de cœur ouais. de la session, peut-être. Ton coup de cul. Mais ce serait pas pire comme chronique, un coup de cœur et un coup de cul, j'aime ça. Ouais, ce serait bien. Ouais. Pense-y. Ça vient. Ben, t'as pas mal ça aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Un coup de cœur puis un coup de cul. Voilà. Cool. Il aurait fallu penser au début de la chronique. Ouais. C'est comme si t'aurais pu choisir un autre nom qu'une pièce de ma jupe puis de te faire poursuivre. Je pense pas que je vais me faire poursuivre. Non, sûrement pas. Je penserais pas. Mais s'il l'apprenait, il nous ferait payer pour eux, par exemple. Probablement. Pour l'extrait, sûrement. Je sais pas. Bref. J'sais pas. Merci Stéphanie, c'est tout? Oui, c'est tout. Tout est lié sur rassemblagerocky.com dans l'émission du jeudi 15 avril. Là, si les gens veulent aller suivre ça, c'est là déjà. Même les lesbiennes puis Justin Bieber. Oui, Justin Bieber. Yes! On a la coupe de cheveux là, en tout cas. Avec glace. La frange, là. Comment t'appelles ça, une frange? C'est ça? Un ouais. toupette? Un toupette. La boue dans le toupette? T'as un toupette, mais il est pas pareil. Quoi, ben non, j'essaie pas de ressembler à Justin Bieber non J'espère plus. J'espère bien. Quand même, je veux pas ressembler à une vieille. Ouais. Non, c'est pas ça, là. Il y a une différence entre les hommes qui ressemblent à des lesbiennes et les personnes, gars ou filles, qui ressemblent à Justin Bieber. Faut pas associer ouais. les deux. Là. Mais non. C'est bon pour moi. Back in the day. C'est bon pour Twitchy. C'est bon pour moi. Back in the day. C'est bon pour Twitchy. C'est bon pour moi. Back in the day. C'est bon pour Twitchy. C'est bon pour moi. Back in the day. C'est bon pour Twitchy. De toute façon, commencer une coupe d'année sans côté bonne. Dans ce temps-là, il y avait juste du hip-hop anglophone. Tout le monde écoutait Bon Jovi. Dépêche mode, tout le monde disait partout que le hip hop c'était juste une mode. C'est bon pour moi, c'est bon pour Twitchy, c'est bon pour moi, c'est bon pour Twitchy. Bien sans rien, j'fais ça ma façon, j'fais ça frais, c'est bon dans ma maison. C'est ta petite house comme combinaison. Back in the days, dans tant d'avantages. Back in the days, avec mon ghetto blaster. Ben avant l'avenue de Rapaudi, j'rappe ses instruits. Ça met pas de but, mais c'est cool la maudite. J'rappe en anglais, mais c'est pas par choix. Le seul en québécois qui chasse, c'est quoi? C'est rappelle-moi donc. Rappelle-moi donc, c'est quoi? Rappelle-moi donc. Rappelle-moi donc, c'est quoi? Move the break comme dans Robocop. Sur le dos, sur le ventre, up and down, flip flop. Back in the days, j'ai pas peur d'avoir peur. Back in the days, j'ai tant des vapeurs. Back in the days, I'm a girl. Allez, c'est bon, c'est des PMD, Grandmaster Flash. Tous les après-midi, j'ai le sandage. Fait du style gratuit dans la langue de Jean Arrache. Back in the days, j'ai comme le Sid Rocker. Back in the days, j'ai mon ghetto blaster. Back in the days, back in the days, back in the days, back in the days, back in the days, back in the days, back in the days, back in the days, back in the days, back in the days, back in the days, back in the days, back in the days, back in the days, back in the days, back in the days, back in the days, back in the days, back in the days, back in the days, back in the days, back in the days, back in the days, back in the days, back in the days, back in the days, back in the days, back in the days, back in the days, back in the days, back in the days, back in the days, back in the days, back in the days, back in the days, back in the days, back in the days, back in the days, back in the days, back in the days, back in the days, back in the days, back in the days, back in the days, back in the days, back in the days, back in the days, back in the days, back in the days, back in the days, back in the days, back in the days, back in the days, back in the days, back in the days, back in the days, back in the days, back in the days, back in the days, back in the days, back in the days, back in the days, back in the days, back in the days, back in the days, back in the days, back in the days, back in the days, back in the days, back in the days, back in the days, back in the days, back in the days, back in the days, back in the days, back in the days, back in the écoutez Assemblage requis sur C'est fou. Vous écoutez le guide de l'utilisateur d'assemblage requis volume 2 sur ton plat favori. Je m'appelle toujours Mathieu Plante et on continue avec une autre chronique de Stéphanie à l'instant. Et on va poursuivre avec l'excellente chronique. Ah, oh. Come on! Ok. C'est même que tu commences. La médiocre chronique, ton plat favori. La pire. Et oui, là, tu reviens dans ton élément, là, ta chronique, ton plat favori. Qu'est-ce qui se passe dans ce plat-là? Depuis 3 semaines, je pense à ce plat-là. Je suis vraiment stickée sur un album. C'est le premier album de Metric, Grow Up and Blow Away. Mais c'est un peu spécial comme histoire. C'est que la chanteuse de Metric et le guitariste James Shaw, ils ont enregistré entre 1999 et 2001 les chansons qui se trouvent sur cet album-là, Grow Up and Blow Away. Mais l'album a été reporté par le label pendant quelques années. Donc, finalement, ils ont décidé d'oublier ça puis d'enregistrer un nouvel album qui est Old World Underground et qui a été sorti en 2003. Mais finalement, il y a une autre compagnie disque qui a acheté les droits de Grow Up and Blow Away et qui l'a sorti en 2007. Alors, c'est en fait leur premier album, mais il a été sorti après 2 albums. OK. C'est spécial un peu. Il a été sorti après Live It Out et après Old World Underground. Mais c'est un excellent album. Je sais qu'il y a eu une pièce, la pièce titre, qui était sur le palmarès de C'est Fou, mais c'est tout ce que je connais, je pense, de cet album-là. Ah, c'est vraiment... C'est vraiment, vraiment différent de ce que moi, je connaissais. Moi, j'avais plus accroché sur le dernier album, Fantasies, qui est sorti l'an passé, qui est beaucoup dansant, vraiment rassembleur. Mais Grow Up and Blow Away est beaucoup plus urbain, beaucoup plus tranquille. C'est vraiment intéressant, surtout ce que la chanteuse fait avec sa voix. Emily Haynes, c'est vraiment des choses spéciales avec sa voix sur cet album-là. Il y a des fois que c'est plus jazzé et R&B. On dirait vraiment pas la même chanteuse. J'ai entendu que Metric va être sur la trame sonore du prochain Twilight. Ah oui? C'est vrai! Il va falloir que je l'achète. Ben j'avais juste à acheter la première trame sonore. Il va falloir que j'achète la deuxième et la troisième. C'est ça, les deux, en tout cas, les deux premières que j'ai entendues sont super bonnes. Il y a plein d'artistes vraiment c'est vraiment bon. Étrangement, là. Quand même, Tom York qui participe aux trames sonores de Twilight, c'est quelque chose. OK, go, Death Cab, quoi d'autre? Bon Iver. Bon Iver. Ouais. Plein de bonnes choses. Donc, on écoute quoi de Metric? Ça a pris beaucoup de temps pour que je choisisse ma chanson. À vrai dire, la semaine passée, j'avais choisi la pièce titre Grow Up and Blow Away. Et finalement, j'ai changé d'idée parce que en écoutant de plus en plus l'album, j'ai vraiment accroché sur la quatrième pièce qui est The Twist. C'est celle-là qui est un peu plus jazzée, un peu plus R&B, qui sort vraiment un peu de ce qu'on entend habituellement de Metric. Et c'est une pièce qu'on se dédie à nous-mêmes parce qu'un jour, on va pogner à Twist. De parler. Hein? De pas parler par-dessus l'autre. On n'est pas des bons acteurs non plus. Hein? Non, vraiment pas. Alors, on va écouter la pièce The Twist de Metric tirée de leur premier album Grow Up and Blow Away. À Assemblage Rookie. À la chronique, ton plat favori. À ton plat favori. À ton plat favori. Pas bon chanteur non plus. Non plus. On est continuer la liste comme ça. Faudrait qu'on se trouve d'autres talents. We were too wasted to close the window. Friends and family looking into my only hiding place. The rhythm of a stranger's skin. Infidel to die for what I am doing will happen in the morning when the mirror won't recognize me. There's a certain gesture when we're loving to ask each other, do you want it? Do you want me? I want it. It is you. J'étais occupée à chanter. Ah, j'avais pas besoin de te dire qu'en parler, hein, tu savais quand t'as fini ça. Exactement. Tu l'as entendu combien de fois cette semaine? Six fois par jour, fois trois semaines. OK. Ça fait beaucoup. Ouais. 6 fois 21. Bah, j'essaierai pas de compter. Non. Je serais plus un fou de moi que d'autres choses. Alors, on vient d'entendre la pièce The Twist de Metric, qui a la chronique Ton plat favori à Assemblage Requis. Et c'est pas mal tout ce que j'avais à dire. C'est vraiment un excellent album à vous procurer. Les 4 premières chansons sont écœurantes. Des bijoux, c'est vraiment débile. Incredible. C'est ça. Le reste de l'album aussi est vraiment bon. Mais surtout les 4 premières chansons. Grow Up and Blow Away. Ouais. Metric. Et puis, sur la trame sonore de Twilight. Ouais. Eclipse. À voir. À écouter. Fermez les yeux et écoutez. Vous êtes toujours dans la collection complète de Ton plat favori par Stéphanie Gagné ici à Assemblage Requis. Et on continue avec une autre chronique là. Stéphanie qui co-anime avec moi quand même, mais là on fait comme si c'était une chronique bien bien spéciale parce ouais. que ça l'est. Oui, je viens d'arriver en studio faire ma chronique. Quelle surprise incroyable! Je t'avais pas vu venir pas tout. Non, hein, pas du tout. Alors aujourd'hui, mon plat favori, j'ai acheté l'album hier, c'est Think About Life. Je suis un peu en retard parce qu'ils ont sorti leur dernier album l'an passé. On a joué, je crois, une couple de fois. Je pense Kiwan aime bien ça. Ouais, ça se peut. Mais j'en avais déjà entendu parler de nom. C'est peut-être justement Kiwan qui en avait fait jouer. Mais c'est ça, hier, j'étais allée acheter mon album, cet album-là. J'étais allée acheter Mystère vers l'air aussi, que j'ai tellement pas aimé. Ben non, tu blasses beaucoup de choses aujourd'hui, ouais, toi. Non, c'est pas une bonne semaine pour les sorties musicales. Mais bon, j'ai acheté Think About Life. C'est un groupe de Montréal qui a été formé en 2005. Ils ont sorti un album Think About Life en 2006 et Family en 2009. Ils ont fait des shows, entre autres, avec Stars, Franz Ferdinand, You Say Party, We Say Die, qu'on a fait jouer tout à l'heure. Ils ont beaucoup d'influence hip-hop, pop, punk, dépendamment de chaque membre du groupe. Ils vont vraiment chercher des influences un peu partout. Le premier album était un peu plus chaotique, mais le dernier est vraiment plus festif. C'est super, c'est un peu disco-punk, super accrocheur et dansant pour se mettre de bonne humeur. C'est kitsch un peu, des fois. Il y a des flammes en rose sur la couverture, c'est sûr que c'est kitsch. Oui, il y a des flammes en rose en plastique avec un petit décor. On dirait un genre de catalogue, pas de catalogue. Tu sais, les photos que tu prends dans un centre d'achat avec ouais. des comme de fond de préfabriqué. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis tu sais, le nom du groupe est écrit, on dirait, en carton flou ouais. du Dollarama, là. Tellement. Mais c'est super kitsch. Puis moi, j'aime ça, le kitsch. Fait que moi, je trouve ça super beau. L'album est très attirant, je trouve. Oui. Oui. Alors, c'est ça. Il y a des influences aussi funk et soul, des fois. C'est super bon. On va aller écouter la pièce Joanna. Les 3 premières pièces de l'album sont écœurantes. C'est les meilleures de l'album. Et c'est la première pièce de l'album, Joanna, tirée du dernier album Family. The Think About Life. The Think About Life. Think About Assemblagerie. Toute la journée. Les gens, ils passent toute la semaine puis ils attendent juste ça. Là. Ah, c'est sont sûr. Comme, quand est-ce que ça va commencer, ça? Ben, c'est en cours, là. Fait que restez avec nous jusqu'à la fin dans 40 minutes. Bande de chanceux. Drôle de fin de chanson, hein? Quand même, un ralenti, genre. Ouais. On a perdu l'électricité. Mais quelle bonne blague! Ouais. Interne, mais quand même. Ouais. Alors, c'était Johanna, une pièce de Think About Life, tirée de leur dernier album, Family. Un gang ring, c'est ça que c'est? Un gang ring. Tu me donnes faim. Ah, tu mangeras pas avant 7 heures. Très bon choix avec Think About Life et l'album Family. Assemblage requis. S'écroule sous une avalanche de plats favoris avec Stéphanie Gagné. Voici une autre chronique tout de suite. Ah, hein? J'aurais donc dû. Ben oui, ben c'est à un moment donné, hein, le professionnalisme, ça vient avec la tarte. Eh oui. Chose à la fois, là. Tu t'en penses, je trouve. You're importing yourself. You're so importing yourself. Tu vois, moi aussi, je peux faire de l'anglais là-dedans. T'es ben, ben bon. Merci beaucoup. Thank you. Thank you beaucoup. Thank you. Pretty neck. Beaucoup. T'as pas une suite? Beaucoup. Pretty neck. Hein? Non? C'est tellement pas drôle, Mathieu. Merci. C'est la chronique Ton plat favori avec Stéphanie Gagné. Stéphanie. Gang. One. Gang. Ganging. Ouais. Là, Stéphanie m'a dit que j'étais pas drôle. Fait que je lui adresserai pas la parole pendant sa chronique. À toi, Stéphanie. Bon, on va faire avec, hein? Alors, j'avais parlé à Mathieu, on va faire comme s'il n'était pas là. J'avais parlé à Mathieu Plante il y a quelques semaines que j'avais fait le tour du top 100 des meilleures chansons de 2009 sur Pitchfork. J'en avais parlé brièvement et étonnamment, il n'y a pas beaucoup de chansons qui ont fait mon bonheur. Il y a seulement une quinzaine de chansons que j'ai aimées, dont plusieurs que j'avais déjà. Mais je suis tombée sur le numéro 2 qui était The Dirty Projectors avec la pièce Stillness is the Move et j'ai vraiment adoré. C'est vraiment bizarre comme band. C'est un groupe expérimental de New York à Brooklyn. Ah, oh, c'est vrai, Mathieu, il parle pas, fait qu'il peut pas rien faire de drôle ou d'essayer d'être drôle. Mais bon. mais t'as le droit de rire. Bon. Alors, bref, c'est un groupe autour de Dave Longstreth. Mais moi, j'aime pas beaucoup quand Dave, c'est lui qui chante. Habituellement, c'est lui qui chante et il y a beaucoup d'harmonie avec les... avec d'autres filles en arrière-plan. Mais la pièce que je vais vous faire écouter, c'est seulement des voix féminines. Il y a beaucoup d'harmonie. Je trouve ça super beau. Ça fait vraiment original. C'est pas le genre de musique qu'on entend à la radio d'habitude. Même pas assez fou. C'est vraiment étonnant. Alors, on va aller écouter ça. Et malheureusement, vous pouvez pas me dire ce que vous en pensez, mais si vous voulez aller sur la page Facebook d'Assemblage Requis. Mathieu, parle sur les petites ou voix sur assemblagerequis.com. Assemblagerequis.com. Je savais que tu voulais parler par-dessus les voix d'oiseaux. On écoute Stillness is the Move à C'est fou 89,1 FM. Some faudrait vraiment prendre un bon monteur pour être capable de timer tous ces petits cris de wouhouhouhou sur l'image de la vidéo. C'est vraiment bon, hein? Oui. C'est vraiment bizarre. C'est un style de musique étrange. En regardant le vidéoclip, là, c'est absolument... C'est étrange aussi, ouais. Le vidéoclip avec le lama et tout ça, les vêtements super vaporeux dans une montagne. C'est pas une burqa, hein, mes poches. C'est spécial. Ouais. Alors voilà. Vous irez voir le clip pour comprendre de quoi je parle, moi. Oui. Quand vous écrivez The Dirty Projector sur YouTube, c'est le premier vidéo qui s'affiche. Pratique quand même. Voilà. Et voilà. C'était ton plat favori. Oui, c'était mon plat favori. The Dirty Projectors et la pièce Stillness is the Move. Une autre des meilleures chroniques de Stéphanie Gagné commence à l'instant. Même, tu peux même pas nous le crier puis qu'on répète, genre, quelque chose, genre, juste nous dire ce que tu viens de dire là, parce que je trouvais ça intelligent pour une fois, Maxime le meilleur ami, qui dit quelque chose d'intelligent, faut souligner ça, entouré. Ben, dans le fond, la seule affaire que j'ai dite, c'est que... Oh, il parle bien, hein? On dirait Ramdam. Ouais. C'est que le chanteur de Yes Sayer, dans une entrevue, il a dit « Faut être stupide en 2010 pour acheter un album CD. » Puis l'autre partie t'a dit « Il n'y a plus personne qui a besoin des pochettes. » Ouais, c'est ça, parce qu'il parlait des pochettes. Ouais, plus personne qui voit une pochette d'album. Ben non. C'était mon édito du 3 mai. Je me déclare stupide alors. Non, t'es riche. Non, vraiment pas. Je suis pauvre parce que je dépense tout dans des séries. Mais elle a trois divans, fait que souvent elle trouve de l'argent dans ses corps. Arrête avec mes divans! Bye, Max. Maintenant, c'est l'heure de la chronique la plus copieuse bitch. C'est tellement pas fin! Voici ton plat favori. OK, la raison que Stéphanie est une copieuse bitch, c'est que la semaine passée, si vous avez écouté la chronique Ton plat favori, hein, cette chronique-ci, là, elle a fait son coup de cœur qui était, bon, peu importe c'était quoi, là? J'en ai aucune idée. On s'en fout. Bon. Moi, mon coup de cœur, c'était First Aid Kit avec la pièce Hard Believer, OK? Et là, c'est quoi cette semaine le coup de cœur de Stéphanie? Dis-moi donc. C'est First Aid Kit avec Hard Believer. C'est ça, copieuse bitch. Là. Oui. Ouais. Si j'avais pas besoin de mon stylo, je te lancerais dans le front. Il y a piquant ton stylo en ce moment, je trouve. Attends que je l'ouvre. C'est un bic, hein? C'est à pointe ronde, je pense. Ouais. T'en mais bon, j'en ai de besoin, alors je te le lancerai pas. Mais bon. Raisonne-moi pourquoi que c'est pas une copieuse bitch de ma semaine passée. Parce que moi, je jase plus. Ah, c'est vrai, j'ai pas donné de détails, moi, c'est vrai. Ouais. Tu nous as juste lu les paroles, qui sont très cool, par contre. Je sais, par exemple, c'est ça qui est cool. Sont vraiment belles, les paroles. I know that! Alors, c'est ça. Pour remettre les gens en contexte, je vais dire un peu... C'est quoi First Aid Kit? Qu'est-ce? C'est un duo folk suédois. Deux sœurs. Ça, je l'avais dit, ouais. Deux sœurs, Johanna et Clara Söderberg, 17 et 20 ans. J'avais dit ça aussi. Très jeune. J'avais dit ça. Attends, mais on n'a pas dit mon opinion la semaine passée. Ah, et c'est ça que les gens s'intonisent, c'est fou pour. Exactement. Voilà. Arrête, Mathieu. Ouais. Leur musique est quand même hyper rudimentaire. C'est comme une fille qui a une guitare, une fille qui a une auto-harpe. C'est quoi ça, une auto-harpe? Hein? Une auto-harpe, c'est une sitar autrichienne. Ah. Oui. C'est ça, ça a genre 36 cordes, je crois, quelque chose comme ça. C'est auto pour autrichienne, non pas pour automatique. Genre ça? Non, c'est pour automatique, je crois. Aussi, OK. Wow. Enfin bref, je connais pas très bien les auto-harpes. C'est pas très, très connu ici au Québec, les auto-harpes. Pas tant. Et c'est ça, il y a des fois, il y a un peu de piano, comme dans Hard Believer. Mais même si leur musique est hyper simple, c'est super efficace, leur chanson, c'est vraiment un retour à l'essentiel. C'est joué de façon acoustique très souvent. On peut aller voir les vidéos sur YouTube. Il n'y a pas d'amplificateur, il n'y a pas de micro. On entend juste leur voix, la guitare, la auto-harpe. C'est super beau. Et ce qui les a fait connaître, c'est la reprise de la chanson Tiger Mountain Peasant Song, une reprise des Fleet Foxes. Ah ouais. Et j'aime pas les Fleet Foxes tant que ça. Non. Mais la reprise est tellement belle. C'est vraiment une vidéo à voir. La vidéo a été tournée dans une forêt. Ça rappelle vraiment la saveur vintage du groupe, je trouve. J'ai bien aimé. Alors, c'est ça. Leur musique, c'est vraiment une musique qui vient nous chercher, je trouve. Les voix avec leurs harmonies, c'est tellement beau, là. Ça m'enlève les mots de la bouche. Yeah, tu vois, elle a arrêté de parler, là. C'est la preuve. Alors, leur album qui sort la semaine prochaine au Québec, mais il faut le commander pour le recevoir chez votre disquaire favori, sinon ils ne vont pas l'en recevoir. Non. Non? Non, parce que c'est pas assez connu. Ben non. Mais c'est ça, leur album, c'est The Big Black and the Blue. Ça va pas révolutionner le monde de la musique folk, d'après moi. Mais il y a quelques chansons qui peuvent vraiment bouleverser votre monde, comme ça a fait pour moi. Cette semaine, j'ai écouté quasiment que ça. J'écoute Hard Believer à peu près 15 fois par jour. Elle est vraiment, vraiment, vraiment très bonne, celle-là. Oui, vraiment, vraiment, ouais. Vraiment, vraiment, vraiment, vraiment. Vraiment. Vraiment. Les ouais. harmonies, c'est hyper délicat, c'est désarmant, c'est... Je capote. Je te l'avais dit que ça allait être un halla de... Ah, oh, de ouais, parce que là, tu écoutes les paroles, tu ne diras pas halla après. Non, non, mais tu vois ce que je veux dire? C'est ce qu'ils ne voient pas quand je fais le signe de ça. Avec tes mains comme perpendiculaires à ta rotation de ouais. coude. C'est ça. Sur le MySpace de First Aid Kit, on peut voir la mention « We aim for the hearts, not the charts ». Ah wow, on cible les cœurs et non les palmarès. C'est vraiment cool. C'est très cool. C'est vrai que ça fonctionne. Ils s'en foutent de pogner ou de ne pas être disponible dans la plupart des disquaires au Québec. Voilà, ils s'en foutent. Mais c'est ça, la pièce qui m'a accrochée, c'est la même que tu m'as fait connaître. Mais ça vaut vraiment la peine d'aller sur YouTube et d'écouter surtout les chansons folk, pas nécessairement les clips, mais les chansons qui sont faites vraiment de façon acoustique. Et en passant, ils vont être au Belmont à Montréal le 13 juin prochain. Je suis tellement heureuse. C'est tout un addon que je connaisse ce groupe-là là et qu'ils viennent à Montréal là. Merci Mathieu Plante. Oui, merci Mathieu Plante. Voilà. Maintenant, je vais aller voir ça avec Sophie Laforêt. Pas Mathieu Plante. Non, pas Mathieu Plante. Ouais. Mathieu Plante, veux-tu venir à First Aid Kit? C'est la seule chanson que je connais. Avec. Bon. Ouais. On va aller écouter Hard Believer. Assemblage Rocky, dans la chronique Ton plat favori. 89,1 FM. So you ask for my opinion. Well, what is there to say? To be honest and just foolish won't make you wanna stay. You gotta go on and get moving, and I can't do that for you. Got so many plans and so much you wanna do. Love is tough, time is rough. Love is tough, time is rough. Rough, rough on me. Well, I see you. Well, I don't need your eternity or your meaning to feel free. I just live because I love to, and that's enough, you see. So come preach about morality, that's just human sense to me. Love is tough, time is rough. Love is tough, time is rough. Up on me, on me, on me. Life, and it's beautiful, and it's one life, and it's this life, and it's beautiful, and it's one life, and it's this life, and it's beautiful. Ooh. j'ai le goût de pleurer, oh, tellement c'est beau, hein? Ouais. Ah, oh, c'est vraiment, là, écœurant. Mm-hmm. Vraiment. Je l'avais dit. Il va falloir que tu aies écouté d'autres chansons que celle-là. Ben, il faudrait, oui. La reprise de Fleet Foxes, là, épouvantable, tellement c'est bon. Mais comment ça fait que t'aimes pas Fleet Foxes? Ça me surprend un peu de ton... Il me semble que c'est ton genre, non? Ouais, je sais pas, c'est peut-être les... Mes cheveux goûts, longs. Peut-être. Non, mais mes goûts changent vraiment, vraiment rapidement. Fait que peut-être que si j'écouterais l'album là, peut-être que j'aimerais ça. On l'a dit souvent, c'est une fille à fleur de peau. Ouais. Flower of the skin. Skin. C'est ça. C'est ça. Ouais. Ça, c'était ton coup de cœur, First Aid Kit, avec, entre autres, la pièce Hard Believer. Rappelle le nom de l'album le plus récent qu'on peut pas se procurer en magasin. The Big Black and the Blue. Voilà. Dans quelques secondes à peine, une autre chronique, ton plat favori. woman, she cries all that she got. Push her down, son, it's more than just lip. Come on, girls, I know you know what you want. Come on, come on now, come on. You're beating walls, now you just won't quit. You play with shapes, but they just won't fit. I know you love me, you don't know what you like. You're watching TV, I stay up all night. Le guide de l'utilisateur d'assemblage requis, volume 2, ton plat favori. Yeah. êtes de retour au guide de l'utilisateur d'Assemblage Requis, volume 2, ton plat favori. On aime ça, One Tree Hill. Bois, on aime surtout la musique. Oui, chanson thème, c'est plate qu'il l'enlève, la maudite chanson thème. Faut qu'elle laisse pas. T'sais. Une émission sans chanson thème, c'est plate rare. Oui, je sais, mais c'est rendu qu'il y a beaucoup d'émissions qui font ça. Ouais. Ils ont plus de thème où ils présentent les acteurs et tout ça. Sinon, il y a 10 secondes de musique avec le logo. T'sais. C'est ouais, comme c'est le max ça, que tu peux tout. Avoir. Là. C'est tout parce qu'ils essaient d'avoir plus de temps de show. Oui, parce qu'ils enlèvent de plus en plus de temps pour mettre de plus en plus de pubs. Exactement. Et voilà. Ben, dommage. Mais où est-ce qu'on coupera pas? Dans mon plat favori! Ben oui, parce qu'un plat, hein, c'est difficile. Il faut un couteau comme bien spécial pour couper le plastique. Ça. Je suis ton plat favori. Tu peux couper ce qu'il y a à l'intérieur du plat, hein? Uh-huh. Parce que là, t'as comme pris un bout de restant de ta chronique de sortie CD. Ouais. T'as mis ça dans un petit bol à côté de la mayonnaise. Parce qu'on dirait que tu mets tout le temps, faut tout le temps que ce soit à côté de la mayonnaise. Tout ce qui est dans un frigidaire est à côté de la mayonnaise. Parce que peu importe, même si tu mets à côté de la mayonnaise, ça va comme se tasser. Parce que, en tout cas. Juste comme ça, c'est la deuxième fois que Mathieu me dit ça. Ouais, aujourd'hui. T'as pas de. Ben ouais, mais là. Faut pas dire aux gens, quand j'ai une si bonne idée en début d'émission, je la réutilise plus tard. C'est écologique. Mayonnaise. C'est éco-équitable. Alors, aujourd'hui, oui. Mon plat favori. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Pas de mayonnaise dedans? Parce que t'en manges pas. J'en mange pas assez. Pas assez. Pas assez. Alors, dans mon plat favori cette semaine, c'est le nouvel album de Hot Hot Heat. C'est pour ça que je l'ai enlevé de mes sorties d'album et je l'ai transféré dans mon Tupperware. Pour vous en parler, c'est le nouvel album Future Breeds. Alors, pour ceux qui connaissent pas vraiment Hot Hot Heat, contrairement à moi et Mathieu, c'est un groupe canadien qui a connu pas mal de succès dans la vague indie-pop du début des années 2000. Entre autres, les chansons Middle of Nowhere et Goodnight, Goodnight de leur album Elevator, qui remonte à 2005. C'était quand même des très bonnes chansons. Mais cet album-là est très facile d'écoute, mais vraiment très différent de ce qu'on est habitué d'entendre. J'étais un peu surprise. Ouais. Huh. C'est pas du tout comme Goodnight, Goodnight. Ah non? Non. Ah, Attends, là. C'est super spontané et créatif. C'est vraiment cool. Il y a des chansons qui sont vraiment le fruit d'expérimentation totale. Et il y en a d'autres que le band l'ont dit. Ils l'ont enregistré à peu près la deuxième ou la troisième prise. Là. OK. Est-ce que tu as écouté leur premier album, le tout premier, celui avec des formes bizarres dessus? Puis c'est écrit. C'est qu'il est non. Tellement différent. Il crie tout le temps dedans, là. En tout cas. Est-ce qu'il crie tout le temps dans celle-là? Non, pas tout le temps. OK. Pas mais des temps. Fois. Des fois. Pas mon préféré, le premier. Attends, tu vas voir. OK. C'est ça, le groupe a dit qu'ils ont enregistré des chansons vraiment au tout début. Ils n'ont pas voulu overthink. Ils n'ont pas voulu réfléchir à ce qu'ils faisaient. Ils ont vraiment voulu faire ça sur le coup. Donc, ils ont enregistré ça rapidement sans y réfléchir. Ça rend l'album vraiment très divertissant. C'est vraiment étrange et chaotique à la fois, mais ça fonctionne vraiment. C'est hyper dansant. Sérieusement, en préparant mon plat favori de hier, je dansais sur ma chaise. Sérieusement, la première pièce, YVR, avec la voix tellement nonchalante, mais tellement unique de Steve Bass, ouais, c'est vraiment écœurant. Il y a une autre chanson qu'on a fait jouer la semaine passée. 21 à 12. Hein? Oui, ça, c'est un... Ça ressemble vraiment à du vrai Hot Hot Heat des derniers albums. Oui, ça ressemble vraiment à du Hot Hot Heat qu'on connaît. Ou du chaud chaleur, comme je les appelle, parce que si on est charmé. Chaud chaleur. Il y a aussi la pièce Zero Results qui ressort du lot. Ça ressemble un peu à du Franz Ferdinand. Sérieusement, on pourrait pitcher la chanson à Franz Ferdinand puis pourrait la jouer sans problème. C'est vraiment leur genre. C'est un peu moins chaotique que les autres chansons, mais c'est tout aussi bon. Il faut pas s'inquiéter. Les chansons redeviennent très chaotiques à la fin. La 8e et la 9e chanson sont vraiment quelque chose. Et j'ai une petite citation d'un membre du groupe. C'est en anglais, alors si vous comprenez pas l'anglais... Too bad for you. Too bad. Future Breeds is a result of us craving more twists and turns, but also having more tools and less restrictions. It had to be a freak show and a barrage of ideas that weren't overthought to the point of being stripped away or streamlined. Sometimes the best moments are the ones that are redundant, pointless, or meaningless because they can also symbolize freedom, youth, and rebellion. Wow. C'est vraiment cool, hein? Si j'avais la feuille, je la traduirais, mais je suis pas capable de passer 30 secondes derrière. C'est comme un buffer extrêmement. Tiens, prends la feuille. Je manque de RAM. On va attendre. Attends, faut que je trouve la phrase, premièrement. OK. Future Breeze. Okay. Oui, c'est ça. Okay. Ils disent que c'est parce qu'ils voulaient, ils désiraient plus de choses qui changent dans leur musique. Très drôle. Ouais, c'est ça. Ben, j'ai de la misère un peu. C'est quand même deux phrases. Mais bon, plus d'outils, moins de restrictions. Il voulait que ce soit un freak show et un barrage d'idées, mais qui n'était pas sur-réfléchi. Jusqu'à ce que ça y enlève tout ce qu'il y avait d'original, mettons, et que ce soit un petit peu trop. C'est dur quand même, Streamline, comme genre trop facile, plate, trop qui suit un peu le courant. Le courant, ah oui. Stream, c'est mainstream, ouais. Courant. Ben oui. Des fois, les meilleurs moments sont ceux qui sont redondants, qui n'ont pas de but, qui veulent rien dire, mais qui peuvent quand même symboliser la liberté, la jeunesse et la rébellion. Bon. Et oui. Par moment, c'est un pays cadeau. Ouais. Alors voilà, c'est pour ça que j'aime vraiment cet album-là, parce que on dirait qu'ils ont vraiment fait ça juste pour le fun. Ouais. Ils l'ont pas fait pour faire de l'argent ou pour... ils ont pas vraiment réfléchi à ce qu'ils faisaient pour se dire qu'est-ce que les fans vont aimer. Ils ont fait ce qu'eux autres voulaient faire. Ça marche tellement, là, c'est vraiment cool. Là. J'espère l'aimer plus que le premier, comme je te disais. Je vais lui donner une belle, belle grosse chance. C'est vraiment... Moi, je l'ai vraiment aimé. Je l'ai beaucoup aimé. Okay. J'ai vraiment hésité. La première chanson, YVR, est vraiment très, très, très bonne. Mais finalement, j'ai décidé de choisir Implosion Attic. Okay. Implosion Attic. De l'album Future Breeds, de Hot Hot Heat. Dans le bloc ton plat favori, Assemblage Rock. C'est fou, 89.1. Ouais. Là, j'ai entendu deux pièces de l'album, celle-là puis 21 à 12, puis j'aime beaucoup ça. C'est vraiment bon, hein? Il y en a beaucoup d'autres qui sont super bonnes. Zero Results, qui fait très Franz Ferdinand, qui est plus tranquille, plus smooth et super bonne. La première, YVR, vraiment écœurante. Il y en a plein de bonnes. Goddess on the Prairie. C'est très bon. C'est Hot Hot Heat, chaud chaud chaleur. Chaud chaud chaleur. Avec Future Breeds. Et voilà, c'était Breed, mon plat favori de cette semaine. Breeds, c'est comme des sortes d'animaux, c'est comme des races, hein? Oui, c'est des races. Races futures, mettons. Ouais. Future race. C'est en anglais, c'est comme à l'envers. Ouais. Je vous rappelle que vous pouvez entendre les chroniques Ton plat favori en balado-diffusion en tout temps sur www.cfou.ca et aller voir les notes de l'émission au assemblagerequis.com. Une autre chronique, tout de suite. Vous êtes toujours Assemblage Requis. Oui, c'est vrai, ils le sont. J'ai failli tomber de ma chaise. J'ai même pas vu faire ça en plus, j'ai raté quelque chose. Hein? Vraiment. Vraiment, maudit. On a une caméra, mais elle marche pas. OK. Donc, après cette culbute spectaculaire, je dirais, qu'est-ce qu'on vient d'entendre?

la pièce qu'on vient juste d'entendre, qui est vraiment très, très, très bonne. Et si vous n'avez pas vu la vidéo, ben allez sur okgo.net encore une fois. Ou sinon, ben achetez-vous une radio avec un écran. Parce qu'on peut pas, à un moment donné, hein? Hein? Comment on va faire pour jouer une vidéo à radio? Voilà. Alors, c'était mon... À place de répondre, tu dis rien. J'aime ça, c'est cool. Une nouvelle façon ben, comme de m'ignorer. Ben, ça serait compliqué, oui, OK. C'est ça. On prend une pause et on revient juste après. Vous êtes dans le guide de l'utilisateur d'Assemblage Requis, volume 2, ton plat favori. Vous écoutez Assemblage Requis. Je sais que vous vous dites, mais voyons, je manque de plats favoris, j'en ai besoin encore. Ben, en v'là une autre. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est d'aller écouter. Alors, enfin, on va pas l'écouter, on va l'accueillir parce qu'elle est juste là devant moi depuis le début de l'émission, puis elle va être là jusqu'à la fin, mais quand même, on le souligne pendant sa chronique, ton plat favori. Toujours Assemblage Requis. Et oui, c'est rendu le moment de mon plat favori. Alors, cette semaine, j'ai fait ça un peu vite, étant donné que j'étais malade, mais ça va à peine paraître. C'est sûr que les gens s'en rendent pas compte. Non, à peine. Balade. Alors, il y a un site que je vais voir de temps en temps. C'est recordlabel.com, mais on enlève toutes les voyelles. Que les consonnes, on les garde. Ouais, R-C-R-D-L-B-L.com. Mais on garde le O qui est une voyelle dans le com, par exemple. Ouais, dans le point .com. Il aurait pu se trouver un nom de domaine qui n'a pas de voyelle dedans. Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Alors, sur ce site-là, à chaque fin de semaine, le site choisit une pièce de leur discothèque virtuelle qui pense vaut la peine d'être réintroduit ou réévalué. Et cette semaine, ils m'ont fait découvrir un remix d'une chanson de Florence and the Machine. C'est la pièce You've Got the Love, mais qui est remixée par VXX. Alors, je vais faire écouter un extrait de la pièce de Florence and the Machine et ensuite, on va aller écouter la pièce de VXX. Alors, écoutons l'extrait. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the going is just too rough. Alors voilà, vous voyez le genre que c'est. Mais le remix, c'est complètement différent. Complètement. Tout de suite.

Écoutez Assemblage requis sur C'est fou. Chronique ton plat favori, maintenant. Maintenant, parlons de choses qui te touchent au fond de ton cœur. Touching you, bottom of your heart. C'est ton plat favori, your favorite dish. J'aime tellement ça qu'on va dire your favorite dish. What is your favorite dish? My today? Favorite Tupperware. Oh yeah, a Tupperware. Tupperware. Belly button, oui. OK. Alors, cette semaine, enfin, j'ai découvert quelque chose de nouveau. Ça faisait quelques temps que j'avais pas découvert quelque chose de nouveau. Tu redondes. Je fouillais dans mon vieux stock que j'avais pas écouté depuis longtemps. Ton panier d'osier. C'est-tu l'osier? Je suis pas certaine. Je connais pas ces choses-là. Moi, je me dis, c'est beau, j'achète. Voilà. C'est fini là. On regarde même pas le prix. I'm buying! Ouais, de ces temps-ci, hein. Ah, alors... Cette semaine, j'ai découvert le groupe Sea Wolf. C'est un groupe de Los Angeles. Loup de mer. Loup de... Ouais. Oui. C'est inspiré d'un livre qui est sorti en 1903, si je ne me trompe pas. C'est ça. Le groupe, ça fait 7 ans qu'ils sont en fonction. C'est, qui ont mis la switch à un sur leurs appareils. C'est Alex Brown Church qui a fondé le groupe. Et autour de lui, il y a un ensemble de musiciens, mais qui changent assez fréquemment. Ils ont entre autres contribué à la trame sonore de New Moon, Twilight. Ouais. Et on sait que c'est quand même des bons groupes qui jouent dans les trames sonores. Je sais que c'est très ironique, là. Ils ont sorti un premier EP, Get to the River Before It Runs Too Low. Ensuite, premier album en 2007, Leaves in the River. Et ensuite, en 2009, White Water, White Bloom. Et la pièce que j'ai découvert, c'est You're a Wolf, tirée de Leaves in the River, je crois. Alors, on va aller écouter cette pièce-là. J'espère que tu vas l'aimer autant que moi, Mathieu. Ben, j'espère à chaque semaine, mais je suis rarement déçu. Hein. Ah! J'aurais pu être méchant ici, mais... Oui, t'aurais pu. T'as manqué ta chance! Tu pensais me voir venir, toi, hein? Non. Vous êtes à Assemblage Rocky dans le bloc ton plat favori. Jacob, absolument. Pourquoi t'es-tu Team Edward? Non, très, très Team Jacob, mais en même temps, j'espère. Je m'en casse, tu sais. Vous êtes toujours dans la chronique Ton plat favori à Assemblage Rocky avec Mathieu et Stéphanie. Et on vient d'entendre mon plat favori qui était Sea Wolf avec la pièce You're a Wolf. Exactement. On parlait de Twilight ou Toilette, hésitation à faire caca. Oui, parce que Mathieu a reconnu la chanson de la deuxième trame sonore de Toilette. Ben oui, tout à fait. Ça commence à pogner, la petite Toilette. On aime ça. C'est automatique à cette heure. Plus on le répète, plus ça va rentrer dans la tête des gens. Bon, donc on en parlait, t'es allé le voir tantôt. Oui, juste avant l'émission, je suis arrivé 2 minutes avant que l'émission commence parce que j'arrivais du cinéma. Mmh. Moi, je suis allé voir il y a 2 jours, mardi, dans mon périple fantastique de magasinage et de... plaisir. Le plaisir, exactement. C'est le mot qui décrit très, très mal ça. J'espère donc, que ta blonde n'écoute pas. Alors sûrement, elle sait, très bien. Toutes les filles le savent que quand ils amènent leur gars, ça ne sera pas une partie de plaisir nécessairement. Là. Alors, ouais. On parlait de toilettes. Bon. On disait que c'était le moins pire des trois. Ouais. Côté soap opéra, un petit peu moins soap opéra cette fois-ci, ouais. Dirais. Mais on parlait que le dialogue est vraiment mauvais dans le film. Moi, je trouve qu'ils font des pauses à tous les mots, comme présentement, alors que je parle... Au lieu de dire ma phrase toute d'un trait, je prends mon temps. Ce qui est bizarre, parce que c'est adapté d'un livre qui a comme 14 000 pages, tu sais. Exactement. Il me semble que tu pourrais comme parler plus vite pour peut-être mettre plus de contenu dedans, tu sais. Exactement. Mettons Virginie. Je peux comprendre Virginie comme c'est difficile de trouver une idée pour un scénario de pendant comme 7 ans de suite avec 300 épisodes par année, tu sais. Ça se peut que ce soit difficile. Donc, à un moment donné, tu répètes souvent les mêmes affaires. Ou comme je suis en train de dire, je disais tantôt, que je répétais les mêmes affaires. T'sais, on résume le plan de ce qu'on va faire tantôt. T'sais, répéter tout le temps les mêmes affaires, se redonder, là, ça, je peux comprendre. Pour Twilight, étirer mon de même, t'sais. C'est fatigant. Mais il y avait des bouts drôles, par exemple. Je trouve que comme le père quoi? De Bella est très, très drôle. Il est tellement cool, ça va. Ouais. Bref. Bref. Allez pour voir ça. C'était notre critique de Twilight. De toute façon, ceux qui voulaient aller le voir, ils vont aller le voir pareil. Hein. Ils l'ont sûrement déjà vu. Fait que la critique, elle sent pas grand-chose. Non. C'est pas grave. Moi, c'est sûr, je vais toutes les voir. J'ai lu tous les livres. Fait que... ouais. C'est un automatisme, comme ouais. Harry Potter. Ou comme Thomas dans Ramdam. C'est automatique. J'écoutais Thomas pour Ramdam. Moi aussi, par contre, les Harry Potter, là, je te suis là-dessus. Les Harry Potter, je vais toujours les voir. Mm. Toujours. C'est une bonne idée. C'est un classique. C'est une très bonne idée. Qu'est-ce que ça me tente de faire? Ça... Parce que d'habitude, ce serait mon tour à faire un... Comment dire? Un plat favori. Oui. Un plat favori. Oui, c'est le moment, là. Le moment est bien choisi. Ce serait maintenant, tu penses? Oui. Comme là, tout de suite, là? Comme là, là. Es-tu prêt, Mathieu? Ouais. Ah, oui, OK. OK. Oui, j'en ai un. Non, mais j'ai des liens sur le site, assemblagerequis.com. Je scanne et je trouve. Parce qu'on trouve tout sur assemblagerequis.com, même si des fois, il faut chercher un petit peu plus loin que juste la première page, hein, si t'en es rendu compte, l'autre fois. Oui, absolument. Ouais. Il y a trop d'affaires là-dessus. Donc, mon coup de cœur cette semaine, c'est Pilot. Handwriting.com. Et tu vas me demander, mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? C'est un site où tu peux, et là, on te le montre dans un beau petit vidéo, l'expliquer de façon tellement YouTube-esque et très bien fait. En fait, je pense qu'on peut même en entendre un extrait. En fait, je pense qu'on n'aura pas chaud parce que ça va jouer par-dessus. Donc, tu t'imprimes une petite feuille avec des cases dedans pour chacune des lettres de l'alphabet. Et là, tu écris à la main chacune des lettres sur la feuille qui a été imprimée. Là. OK. Okay, tu écris chacune de tes lettres avec ton écriture. Et là, il te demande de scanner ça avec ta webcam sur ton ordinateur. Donc, ça scanne la feuille, ça scanne chacune de tes lettres. OK. OK, jusqu'à maintenant, tu me suis. Ça scanne, mettons, bon. Et là, après ça, tu peux modifier chacune des lettres. Donc, tu peux augmenter le trait, l'épaisseur du trait. Et puis, tu peux effacer quelques bouts de ligne que tu aurais peut-être mal fini, pas assez ronde pour toi. Tu tapes un nom, ton adresse courriel. Et là, tu peux écrire un texte avec... ta propre main d'écriture, mais sur l'ordinateur. Tu comprends ça? C'est vraiment cool! C'est vraiment hot! C'est pilothandwriting.com. Tu peux envoyer des courriels à tout plein de gens donc directement du site web. Si je comprends bien, c'est bien ça? Tu peux, ouais, c'est ça. Par courriel. Donc, la personne va après ça recevoir ton courriel. Il va y avoir un attachement. Et là, ça va ouvrir une lettre dans son courriel écrit à ta main. C'est fantastique. Pilothandwriting.com. J'ai vu ça cette semaine. Je trouvais ça cool. Fait que je vous en parle. C'est cool. Tu es au courant de mes émotions. Là. C'est merveilleux. Ça est Twilight, là. Ouais. Ça résume. Cool. J'ai-tu l'air déprimé d'avoir vu Twilight? Non, non c'est pas si pire que ça. C'est pas si pire que ça, quand même. Là. Moi, je l'ai... OK, je dirais rien. Non, mais vraiment, qu'est-ce que t'allais dire? 10, c'est ça que j'allais dire. Ah, OK, tu veux qu'on joue une pièce de musique dans une émission de radio? C'est ce que tu veux dire? Oui, ça serait bien. Des fois, on oublie qu'on est dans une émission de radio. Hein? J'ai un appel. Tu as vraiment un appel. Aïe, aïe, wow. Moi qui voulais créer un moment inconfortable, c'est encore plus drôle. J'aime ça. Ouais. J'aimerais ça qu'on l'entende sonner, ça aurait été encore plus drôle. Non, mon volume est à... Mais là, j'hésite si je réponds. Est-ce que je réponds? Réponds en nom, mais dis, par exemple. C'est un petit peu illégal. Ça. Oui, allô? Allô?